Vous écoutez ? La croche-oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Une radio qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver. J'accueille ce soir en entretien l'artiste sonore, autrice et documentariste d'origine française, Claire Veillissé, dans le contexte d'un projet de création qu'elle a mené ici à Québec l'automne dernier, en résidence de création et de production au Centre Avatar. Parallèlement à sa formation en écriture et en réalisation documentaire, Claire Veillissé va faire des études de musique électroacoustique au Conservatoire d'Angoulême et développer une démarche, on peut dire passionnée, passionnante aussi, pour les écritures sonores sous une myriade de formes et d'expressions. Elle fréquente la fiction documentaire, la radiophonie, l'installation et la performance avec pas mal de succès. J'enregistre, je réécoute, sélectionne et assemble, dit-elle, la matière sonore avec une attention conjuguée pour la forme et pour le fond, qui s'enrichissent mutuellement et qui témoignent des sonorités qui environnent le monde. Je referme les guillemets. C'est dans cette veine que Claire a poursuivi au Québec son projet intitulé « Les yeux dans les phares ». C'est une exploration documentaire et sonore de ces lieux de transit et de vie que sont les routes et les autoroutes qui parsèment nos territoires, ces lieux où le monde vivant y est de passage pour le meilleur et, vous allez voir, pour le pire. J'ai rencontré Claire Veillissé en novembre dernier dans les studios d'Avatar, un organisme de production en art audio et électronique situé dans la coopérative Méduse. Alors, voilà, je vous présente cet entretien avec Claire Veillissé. Le verre que je bois. Le sable qui compose le verre que je bois. La flamme qui dissout le sable qui compose le verre que je bois. L'air qui alimente la flamme qui dissout le sable qui compose le verre que je bois. Le souffleur de verre. Qui expire l'air. Qui alimente la flamme. Qui dissout le sable. Qui compose le verre. Que je bois. Claire Veillissé, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer cet après-midi. On est dans le studio, dans un des studios d'Avatar. Oui, bonjour, bonjour à vous et merci de m'inviter dans votre émission. Claire, j'aimerais ensemble qu'on aborde ça comme je le fais d'habitude, à savoir quel a été pour toi le moment d'éveil à la chose sonore. Ou encore à l'expérimentation sonore. Comment ça surgit dans ton parcours de vie ou encore ton parcours professionnel? Je pense que ça a commencé quand même assez tôt, comme beaucoup de personnes, je pense. On écoute la radio dans la maison familiale, mais à ce moment-là, c'est plus un son qui, comme ça... nous immerge. Je ne sais pas si c'est né là, mais en tout cas, c'est des souvenirs qui marquent, des émissions, le matin, etc. Mais après, en tant qu'auditrice, ça a vraiment été quand je suis devenue étudiante et que j'ai habité seule. J'ai adoré des émissions du soir, notamment sur France Inter, parce que du coup, je parle de la radio française. Je me souviens de l'après-midi là-bas si j'y suis, qui existait toujours. Donc là, c'est une émission de reportage. Et je me souviens aussi que je faisais exprès de prendre ma voiture pour faire le trajet entre chez mes parents le dimanche soir et mon petit studio d'étudiante à La Rochelle. C'était à une heure de route et je faisais exprès de partir, je pense, à 17h ou à 18h. Et c'était une émission qui s'appelait L'Afrique enchantée, qui n'existe plus, je pense. Et c'était une émission de culture, une émission culturelle sur les mondes africains. Et j'adorais cette émission. Je faisais exprès de faire la route à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment des souvenirs d'auditrice, des émotions d'auditrice. Mais en tant que pratiquante, ce qui a vraiment marqué le... Enfin, au départ, j'étais intéressée par des études en cinéma documentaire. Et après, j'ai appris qu'il y avait une formation spécifique en France. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être de plus en plus maintenant avec l'émergence du podcast. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un master en 2 années, en 2 ans. Et la première année, elle est dédiée au son, aux documentaires sonores, mais aux écritures sonores en général. Et quand j'ai compris que c'était possible de se former, j'ai vraiment été soulagée. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Et donc, j'ai fait ces études-là. Ça a été une découverte construite là, autour de cette écoute attentive à la fois de la radio et des sonorités, appelons-les radiophoniques à cette époque. Claire, on va aborder ton travail plus spécifiquement à mesure qu'on va échanger ensemble, mais pour donner aux auditeurs, aux auditrices une idée du travail que tu fais, on va écouter un extrait d'une belle création, ça s'intitule Pedro, c'est une création sonore de 2017. Et tu racontes, j'ai rencontré Pedro sur un trottoir, il y taille et remplace les petits pavés blancs de Lisbonne. Pedro est angolais. Je trouve que de raconter cette histoire avant l'écoute donne toute cette dimension documentaire que tu développes depuis quelques années. Alors, on écoute ça. Le musicien qui joue répète un geste. Pedro refait les trottoirs de Lisbonne. Les trottoirs de Lisbonne sont faits de milliers de petits pavés blancs. Pedro est noir. Pedro parle portugais et aussi français. Vous parlez français ? Moi ? Oui. Un peu. Vous êtes de la France ? Oui. Moi, j'étais en France, précisément à Toulouse. Ouais, j'étais aussi à Nice. Non pas ? J'étais à Nice vers les années 92. Depuis, je suis ici au Portugal, mais de temps en temps, je vais en France. Ah oui? Ouais, j'ai la famille là-bas. De temps en temps, je vais là et je connais aussi Tarbes. Tarbes, je connais Tarbes. J'ai la famille aussi là-bas. Mais ça fait Ashka. 2 ou 3 ans que je n'ai pas allé là-bas, à cause des documents, des papiers. Ça, c'est compliqué, hein? Et vous êtes d'où? Moi, Moi, je suis de l'Angola. Donc, ah, mais c'est facile de parler portugais, alors. Oui, c'est facile de parler portugais, mais en ces périodes de guerre, les parents ont fui l'Angola pour aller s'installer au Congo. C'est le français, c'est la colonie, belge. Ouais, c'est ça. Pedro a une langue maternelle qui est le portugais de l'Angola. Il l'a oublié petit à petit au Congo où il a appris le français. J'ai eu beaucoup de problèmes pour parler portugais. Ouais. Ça m'a compliqué un peu. Puis il a parlé français en France. Je suis venu au Portugal, que j'ai appris encore. Et a ensuite réappris le portugais au Portugal. Vous ne pouvez pas y retourner en Angola? Si je vais retourner. Ouais. Ah, retourner, non. Moi, je vais faire un tour, si. Faire un tour, oui. Si. Agora, retourner, non. Ok. Ça fait déjà un bout de temps que je suis en Europe. Agora, à l'Afrique, pour moi, j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup ouais. d'habitudes, de l'alimentation. Comment se débrouiller seul, sans compter sur les parents. Et ça, en Afrique, ça sera un peu difficile. J'essaie un peu de m'épanouir. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Ah ouais? Même si ça fait longtemps que vous êtes là? Ouais, ça devient un peu compliqué. Puis le boulot, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mmh. Même en France, financement comme tel. Auparavant, c'était plus facile. Ouais. Tu arrives en France, bah, tu fais des magouilles et tu trouves une maison, tu ouais. trouves des papiers. Aujourd'hui, ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. C'est pour cela que je suis au Portugal. Sinon, Pedro a une vie entre deux langues, entre quatre pays, le reste de ma vie en France. Ah ouais. Une guerre, une colonie, une indépendance, une crise économique, une crise migratoire. Il a une vie. Et j'ai fait ça, c'est ma vie. Vous faites quoi alors? Ça, en français, je ne sais pas le mot. Mais en portugais, c'est calçada. Calçada. Calçada. Pourquoi vous tapez sur l'un quand vous l'installez et après vous retapez sur les autres? Ça, c'est pour le rythme. Ah! Ouais! C'est ça la vie. Pedro refait les trottoirs de Lisbonne. Je ne lui aurais peut-être jamais parlé si je n'avais pas eu d'enregistreur pour lui prendre sa musique et ses mots. Je ne lui aurais peut-être jamais parlé si je n'avais pas été dans une ville étrangère, si je n'avais pas été étrangère autant que lui. Je ne lui aurais peut-être jamais parlé s'il n'avait pas fait de bruit. Pedro. Claire, à l'écoute de tes projets, bon, à la fois sonores, vidéo, filmiques, bon, on réalise que tu es très attachée à l'approche documentaire en général. Alors, comment définirais-tu ta propre signature documentaire ou encore, qu'est-ce qui en ferait un travail singulier? Alors, en fin de compte, une façon de peut-être de t'interroger sur ton approche du sonore dans la perspective documentaire. C'est pas facile comme question, mais je remarque justement, maintenant que ça fait quand même plusieurs années que je tente des choses, j'enregistre, je fabrique, donc j'évolue aussi dans mes réflexions et dans mon approche justement. Je sais pas si c'est une signature, mais je remarque que ce qui me marque le plus, c'est justement des rencontres spontanées. Pourtant, je peux mettre beaucoup de temps à écrire sur mes projets. Ça a quand même souvent lien de plus ou moins avec la question des lieux, des territoires, etc. Et donc, je peux arpenter ces lieux, chercher quelque chose, même inventer des dispositifs, inviter des gens. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être fabriquées, mises en scène, provoquées, mais ce qui va souvent, finalement, j'appelle ça un peu des moments de grâce quand je réécoute, quand je dérush, l'étape importante du dérushage. Souvent, je redécouvre les sons et je me dis... Oh, et ça peut être un enchaînement, un déplacement dans l'espace, un passage d'un espace à un autre. Donc là, on redécouvre, quand on le vit... on est focalisé sur certaines choses, on a l'image déjà, on est en train de vivre les choses. Et quand on réécoute, des fois, on redécouvre, ça c'est vraiment classique, mais c'est pour ça que le moment du montage est aussi important. Mais le moment du dérushage est très très important, ces redécouvertes-là sont vraiment très fortes. Enfin, moi j'adore ces moments-là, et je me dis qu'il faut au moins qu'il y ait un moment de grâce dans le travail que je suis en train de faire. Sinon, si c'est trop télécommandé, il n'y a plus d'émotion, je ne suis plus vraiment à l'écoute en fait. Et donc, les moments de rencontre spontanée dont je parlais, comme celle de Pedro, mais en fait, je me rends compte que là, ces dernières années, ça marche que si je ne le provoque pas. Je pense que c'est une histoire d'attention, une histoire de spontanéité, d'ouverture au moment, à la personne, et la personne aussi. Y a cette rencontre qui se passe, et des fois, il ne se dit pas grand-chose, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup cultiver, en fait. Après, il faut que je fasse attention, mais ça reste, en effet, documentaire, entre guillemets, je ne sais pas, mais bon, voilà. Bien. Cela dit, Claire, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une dimension... autobiographique dans le travail sonore, quand on parcourt tes projets, tu parles de l'immédiat, de la rencontre, et on sent qu'il y a aussi une approche très, très liée à une forme de vécu. Est-ce que j'ai raison ou je erre totalement? Dans certains travaux, je ne sais pas si c'est autobiographique, mais il y a un documentaire sonore que j'ai fait il y a quelques années où je retourne sur une île où j'ai vécu. Le point de départ, c'est mon lien à cette île. Après, j'en tire des fils, mais je ne suis pas sûre que je raconte ma vie dans ce documentaire. Et moi, je ne vois pas ça comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait le déclencheur et... touche à la sensibilité, à l'émotionnel, et aussi à l'intellect, enfin à la réflexion que j'ai. Donc forcément, il y a tout, ça part de moi. C'est subjectif, ça c'est sûr, mais autobiographique par morceaux, par bribes, oui sûrement. Et Claire, sur cette réflexion à la fois sur le lien des travaux que tu réalises avec l'immédiat, aussi le vécu, ainsi de suite, on va écouter, tu en as fait mention, on va écouter un extrait de ce projet qui s'intitule « L'île et ses enfants volcans », n'est-ce pas? Alors, c'est un documentaire radiophonique et j'y vais avec les premières phrases que tu rédiges. « Enfant, j'ai vécu dans le village de l'abattoir sur Petite Terre à Mayotte, une enfance dont je me souviens libre, aventureuse et solaire. » Alors, ça donne le ton, on écoute ça. Nous sommes... au bon milieu du canal de Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. Grandir à Mayotte, c'est aujourd'hui, quand j'en parle, c'est les années 80. C'est vraiment vous introduire dans un autre monde, hein, un monde qui a presque disparu. Donc c'est une société très rurale. Les villages ne connaissaient pas l'électricité. Il n'y avait pas le confort matériel d'aujourd'hui. Et c'était une autre organisation où les enfants avaient une autre place, un autre rôle. Ils évoluaient dans un autre univers, hein, avec ses récits, avec ses valeurs. Pour les enfants, il y avait une espèce d'insouciance. On avait le sentiment d'être partout en sécurité, en présence des adultes. Et en tant que garçon, j'avais aussi la possibilité de sillonner d'autres espaces et découvrir la nature, la campagne, les champs et la mangrove. En fait, c'était ce monde-là. Et voilà. C'était ça, mon enfance. T'es prêt? Grandir sur cette île, pour toi, ça veut dire quoi? Comment on grandit ici? On grandit pas souvent comme on le souhaite. On se comprend mieux entre nous puisqu'on parle la même langue et aussi que ici à peu près la moitié de la population est musulmane et moi aussi et ben je me sens un peu bien ici. L'enfance est peut-être différente en métropole parce que ici la moitié des enfants ils vont pas à l'école et moi j'ai eu de la chance d'y aller et aussi On s'amuse un peu, mais pas toujours. Donc on ne peut pas toujours s'amuser. Il faut apprendre à grandir et pas toujours rester un enfant. Grandir à Mayotte, pour moi, avant, c'était bien parce que on était comme une famille. Là, maintenant, ça commence à disparaître. Les gens ne sont plus comme avant. Mayotte n'est plus comme avant. Pour moi, c'est un peu bizarre que ça change parce que j'ai toujours vécu dans ce monde, donc je ne veux pas que mon monde à moi disparaisse. Pour toi, ça veut dire quoi grandir sur cette île? C'est de pourrir dans cette île, mourir. Parce que tout le temps, il y a des bagarres, il y a des gens qui sont tués, tout le temps, on entend ça et ça nous fait peur. Je vais partir d'ici et voyager dans les pays que je ne connais pas. Mais je ne vais pas rester ici. Pour moi, la conséquence, c'est d'être à l'école et de suivre ses études. Les enfants jouent en pensant que quand ils vont être grands, ils peuvent partir. Pour aller dans des autres pays. Parce que ma route est trop petite. Je vis plutôt bien avec ma famille. Mais les polices là, parfois, ils viennent déranger les gens. À Kani, la police traîne tout le temps à Kani, c'est pour ça. Il ne faut pas rester à Mayotte, il faut quitter Mayotte. C'est ce que nous conseille un prof d'histoire parce qu'il y a trop de délinquance. Si j'ai envie de quitter Mayotte, je ne sais pas où est-ce que je voudrais aller. Je peux dire que je suis très heureux d'avoir pu venir ici, étudier ici. Parce qu'il y a mes sœurs qui sont en juin. Et là-bas, comme il n'y a pas une vie normale, mon enfance est différente. J'ai eu de la chance parce que ma famille, elle m'éduque comme comme n'importe musulman et musulmane qui aurait éduqué sa fille pour respecter les autres. Et elle me donne aussi beaucoup d'affection et d'amour. C'est quoi tes souvenirs d'enfance? Claire, bon, on vient d'entendre cette création inspirée beaucoup des gens, des enfants du paysage. Et ça m'amène à cette idée de la nature, le territoire, la protection de l'habitat, la vie urbaine, la vie rurale aussi, ou encore peut-être l'autofiction. D'où te viennent ces préoccupations? Tu crois qu'elles sont un phénomène de génération, ces préoccupations pour l'environnement, pour l'avenir aussi, dire l'avenir de la planète, mais l'avenir de nos proches et du territoire qui nous est familier. Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense pas que dans mon travail, il y a l'idée de sensibilisation ou de qu'il y ait un discours, mais je sais pas trop faire autrement que... En effet, il y a souvent... la notion de l'environnement au sens le milieu qui nous entoure. Ça peut être naturel, pas naturel, enfin c'est rarement que naturel d'ailleurs, mais c'est vraiment la question des lieux qu'on habite. Après, je dis ça, c'est peut-être un constat que je fais, qu'on peut faire en effet quand on voit un peu la petite liste de mes productions, mais c'est pas non plus je ne me dis pas que je vais forcément... C'est peut-être un peu un hasard. Après, je suis géographe de formation, donc j'ai fait quand même 5 ans d'études en géographie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de hasard. C'est une manière pour moi de parler peut-être d'autres choses, mais c'est une entrée. Pour moi, c'est peut-être un prétexte, en fait, la question du territoire, des lieux qu'on habite, pour accéder aux gens... à des histoires, mais surtout à des points de vue des personnes que j'enregistre, parce qu'en effet, il y a quand même j'enregistre des lieux aussi, et donc d'autres êtres vivants et d'autres choses qui font du son, mais la voix, ce que les gens me racontent est central dans... Mais je pense que c'est, pour revenir juste à la question, enfin aux rencontres spontanées, je pense que c'est aussi la fragilité du discours à ce moment-là qui me plaît. Je me suis aussi rendu compte il y a quelque temps que je faisais jamais de portrait. Même Pedro, c'est pas vraiment un portrait, c'est encore une fois un prétexte pour parler de la rencontre que je fais avec Pedro. La rencontre vraiment très rapide, mais donc on pourrait se dire, ah oui, bon, est-ce que c'est intéressant de faire 7 minutes sur une rencontre qui a duré guère plus, mais en fait, il y a aussi cette question de s'autoriser à justement à la rencontre avec l'autre et à ce qui n'est pas soi. J'ouvre encore une autre parenthèse, mais c'est vrai que peut-être notre génération, parce que tu parles de génération, il y a quand même beaucoup cette préoccupation de... On parle des choses qui nous concernent, on s'engage dans un processus de création ou de discours sur quelque chose qui nous concerne. Et en fait, moi, ce qui me plaît, alors tu parlais de travail autobiographique, il y a toujours un peu de soi quand on crée, parce que voilà, je ne pense pas qu'on puisse s'exprimer d'une autre manière, mais moi, ce que j'aime, je pense, c'est justement m'autoriser à aller voir ce que je ne connais pas, quoi, et ce qui n'est pas moi. Et je pense que c'est là aussi où je suis la plus ouverte et où j'attends le moins de choses des personnes. On sent effectivement beaucoup de curiosité dans les projets que tu as réalisés jusqu'à maintenant. Et... on va écouter un extrait d'un projet qui résume assez bien ta pensée, ce que tu viens de nous raconter à propos des gens, à propos des lieux. C'est un projet qui s'intitule « Le Corbu, mode d'emploi », donc inspiré d'un lieu réalisé par Le Corbusier. Et je reprends encore une fois une partie du texte que tu rédiges, « Donner à entendre par les bruits et les voix une atmosphère quotidienne de la vie dans les foyers de la maison radieuse, donc un lieu d'habitation où se retrouvent les gens conçus par Le Corbusier à une autre époque et qui, je trouvais, donne une très belle dimension à cet artiste géographe intéressé par, par la question de l'espace, la question de l'habitat. Alors, on écoute ça, puis on poursuit ensemble notre conversation. Et bien voilà ce qui complète la première demi de l'entretien que m'accordait l'artiste sonore, autrice et documentariste Claire Veillissé. On poursuit ça après un bref battement promo. Pour tout ce qui est locaux techniques. Okay. Donc locaux techniques, tu pourras réouvrir cette portelle en fait. Donc ici, tu te souviens, ça se passe derrière en fait, ça se passe là. C K R L 89 1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Bien, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h sur CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone, je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. J'accueille ce soir en entretien Claire Veillissé, une artiste sonore, autrice et documentariste qui vit à Saint-Nazaire. On est en Loire-Atlantique, au sud de la Bretagne, et dont la démarche est inspirée par la singularité sonore associée à des lieux, toutes sortes de lieux, un village de l'enfance, un ouvrage d'architecture moderne, un parc public, une salle de classe, le pont d'un navire. Bref, Claire Veillissé a diffusé ses projets dans le cadre de nombreux festivals et sous des formes diverses, films et vidéos, radiophonie, installations et performances. Bon, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Claire lors de son passage à Québec dans le cadre d'un accueil en résidence au Centre de création et de production audio et en art électronique Avatar. Ça se passait en novembre dernier, alors on écoute la suite de cet entretien. C'est écrit ouvert. Coupe homme, 10 euros. Je suis jamais rentrée. Bonjour, c'est vous qui avez l'atelier Parce que en fait, je suis habite à côté. D'accord. Et je me disais que j'étais jamais rentrée ici. Parce que je me suis dit, oh, on dirait un truc un peu à l'abandon. Enfin, on va pas avec les trucs comme ça. Bah oui, mais c'était ça. Peut-être un jour, je viendrai me couper les cheveux courts. Non, c'est jamais ouvert. Oui. Du coup, je dis bon. Madame, et c'est vous qui faites ça alors. Oui. Moi, je parle surtout des petites choses, surtout des éponges. Centre de formation pour travailleurs sociaux. Dans le monde entier, il y a des éponges. Pour avoir des aptitudes sur le plan de la relation humaine et au contact. Oui, il fallait que je prenne rendez-vous. C'est 10 euros aussi pour les filles. Oui, oui. Ok. En fait, je passe là tous les jours et je n'étais jamais rentrée. D'accord. Il y a aussi toutes ces portes à côté de la mienne auxquelles je n'ai pas encore frappé. Claire, tu réalises actuellement une résidence de création chez Avatar, Avatar, le centre d'artistes ici à Québec et dans Méduse. Donc, c'est une résidence qui a pour thème les yeux dans les phares. Et c'est un projet relatif à la mobilité que procure la route. En tout cas, c'est ce que j'ai décodé, la route ou encore les pistes. Bien, dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles de ce projet. Oui. Oui, alors c'est un projet auquel je réfléchis depuis plusieurs années. Ça, même avant le confinement, donc oui, je dirais 2019, et qui a déjà donné lieu à des petites formes, notamment une performance sonore ou un court-métrage aussi. Et donc, je dis ça parce que je tourne un peu autour du pot, enfin du sujet en tout cas, avec ce projet. Et là encore, ça c'est un projet qui tient justement, à la fois j'ai du mal à trouver la forme, mais là je pense que je suis sur la bonne voie grâce à Avatar, grâce à ma résidence à Avatar et au soutien du coup qu'on me témoigne. Mais en même temps, si ça fait 5-6 ans que je réfléchis à ce projet-là, bah, ça veut dire que l'image, elle persiste dans ma tête, l'envie, l'idée, quoi, l'élan que j'ai. Et en fait, ça vient... Enfin, l'idée, c'était de m'intéresser au bord des routes, mais vraiment comme lieu, vraiment le bas-côté, quoi. Mais pas métaphoriquement, c'est pas une image métaphorique, c'est vraiment que je trouve qu'il se passe quelque chose... Alors, je parle des routes passantes, hein. Pas de là où on fait de la randonnée. Mais justement, pour questionner ce lieu où, qui n'est pas fait pour qu'on y marche... Et qu'est-ce qu'on fait physiquement de retrouver un peu une espèce de physicalité dans ces lieux-là qui ne sont pas du tout faits pour qu'on y soit en tant qu'être debout, marchant. Et en fait, donc, le point de départ, c'est celui-là. Et avec ce point de départ, il y a le constat qui m'a marqué un petit peu de me dire, tiens, oui, c'est les animaux qui meurent sur ces bords de route. Et en fait, c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai eu du mal à trouver la forme de ce projet parce que ça ne me paraissait pas assez. Ça me paraissait trop loufoque, en fait, de m'intéresser aux animaux morts sur le bord de la route. Ou ça me paraissait un peu peut-être naïf ou... Bon, bref, je me suis mis pas mal de barrières. Et puis finalement, ces derniers temps, j'ai décidé de me frotter à cette idée-là et de me dire, en fait, oui, si ce n'était que ça, allons-y, quoi. Et pourquoi pas? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet, notamment pour les institutions, pour les pouvoirs publics de gestion de ce phénomène, entre guillemets. Donc déjà, bon, ça ne veut pas dire que c'est un bon sujet ou que c'est une bonne idée de s'appesantir là-dessus, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas juste anecdotique, justement, comme je le pensais avant. Et donc voilà, je fabrique actuellement un documentaire sonore qui prend encore une fois le prétexte des animaux morts sur le bord de la route pour finalement évoquer quel est le lien en tant qu'être humain, quel est le lien qu'on cultive avec le reste du vivant, comme on dit aujourd'hui, mais aussi encore une fois notre environnement direct. quand on traverse cet environnement en voiture notamment, mais c'est un prétexte. Mmh. Dis-moi Claire, matériellement parlant, à l'écoute, là, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce projet? Est-ce qu'il y a des personnages sonores là, qui sont bien caractérisés? Comment t'as construit ton projet? J'ai commencé par collecter des souvenirs d'accidents. En fait, c'est un ami à moi, quand je lui ai raconté mon projet, c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans, mon envie d'évoquer ça, il s'est mis à raconter spontanément un accident qu'il avait eu avec un sanglier. Et j'ai trouvé notre réflexe, il y a une petite gêne où ça nous paraît dérisoire, on sourit. Et en fait, il s'est mis à me le raconter avec beaucoup de détails et j'avais des images qui se produisaient et je me suis dit, tiens, mais oui, je pourrais demander aux gens, parce qu'en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est hyper banal et qu'en fait, tout le monde a une histoire plus ou moins ou a entendu une histoire de collision, comme on dit, j'ai appris ça, collision avec la faune sauvage. Et donc voilà, ça c'est une partie de la matière que j'ai, c'est des souvenirs. Et à chaque fois, le réflexe des personnes, c'est de me dire que oui, il n'y a pas grand-chose à raconter. Alors je leur dis, mais oui, mais essaie de le faire avec le plus de détails que tu peux, en prenant ton temps. Et en fait, à chaque fois, il y a pas mal de détails et il y a pas mal d'émotions, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est pas rare qu'on me dise, ah oui, bah là, je me suis mise à pleurer. Voilà, et bon, souvent les oiseaux sont relégués au second plan. Quand on a une collision avec un oiseau, c'est moins important, ça fait pas partie de... Bon, voilà, ça c'est une matière quand même assez importante finalement. Et après, j'ai demandé à une vétérinaire de venir avec moi sur les bords des routes et d'aller à la recherche des animaux morts et qu'elle me fasse une espèce d'autopsie en direct des corps qu'on trouvait. Pour qu'on se confronte à la physicalité, au concret de ce que ça produit, en fait, ce phénomène, encore une fois, qui nous paraît anecdotique, mais qui, finalement, quand on doit s'y confronter, bah, c'est pas si anecdotique que ça. Voilà, ça fait partie des matières que je vais utiliser, et beaucoup de champs d'autoroute aussi. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. En tout cas, c'est fécond comme idée. Puis, on va en écouter un extrait. Je rappelle le titre du projet. Peut-être qu'il changera, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est Les yeux dans les phares, projet de Claire VIC. Alors, on écoute ça. Oh, tu te rappelles que tu étais là? Ben non, justement, je m'en rappelle pas du tout. Tu te rappelles pas? Pas du tout. Ah, pourtant, on rentrait de Nantes. Mais pour aller où? À la maison. Tu te rappelles pas? C'est la route de la Chevrolière. Non. C'était la nuit. Et j'avais pas mis les phares, j'avais mis les feux de croisement, c'est ça? Et du coup, j'ai vu l'animal un peu au dernier moment. Et je sais pas ce que c'était il était assez je me demande si c'était pas un ragondin, un gros ragondin, mais il bougeait pas et là je suis rentré dedans, quoi. J'ai pas eu le temps de réagir et je m'attendais à un choc énorme, mais en fait non, c'était assez indolore. Et je pensais aussi, après, en arrivant, voir du sang sur le pare-choc et rien. Mais je suis sûr de l'avoir percuté. C'était assez violent. C'était assez violent et du coup assez très désagréable comme sensation. Enfin, le choc était évident, mais c'était assez mou. Ça a fait un bruit. Quand t'as un choc pareil, tu te dis pas que peut-être que tu peux encore faire quelque chose. Hein. Tu te dis même pas que tu vas t'arrêter pour l'achever, pour pas qu'il souffre, parce que non, c'était quand même... On roulait peut-être à 80 km/h, donc... à part un être humain, je... Ouais, peut-être que c'était un chien, je me serais... Je sais pas. En tout cas, c'était l'évidence, c'était que, voilà, c'était... Il n'y avait rien à faire. Donc... Et puis en même temps, une espèce de... C'est quand même assez choquant en même temps. Donc... Mais t'es sûr que j'étais là, mais j'ai aucun souvenir. Non, mais aucun. Je pense que je dormais. J'ai zéro souvenir de ce que t'es en train de me raconter. Enfin, tu dormais, mais en tout cas, tu t'es forcément réveillé au moment du choc. Parce que oui, c'était... mais j'ai pas eu la conscience. Oui. Ah, on a percuté un animal. Enfin, tu vois, si je dormais, ça... Ou peut-être tu te demandais ce qui se passait. Bah, oui, je sais pas, tu vois. C'est vrai que si, s'il n'y a pas l'image... Vu que le choc ressemblait pas du tout à ce qu'on peut imaginer d'un choc pareil, peut-être que on se rend pas compte vraiment de ce qui se passe. Je sais pas. On est... enfin, il me semble, hein, je sais pas, après ça, c'était il y a... Mon souvenir est à la fois très précis dans certains aspects, et puis très, très flou dans le... Peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. C'est la seule fois où tu as percuté un animal ? Non, il y avait des oiseaux aussi. 2 fois de suite, pratiquement. Alors que ça m'était jamais arrivé avant. Ouais. Et là non plus, je ne m'étais pas arrêté. Et puis c'est tout. Bah, si, j'ai dû en tuer des centaines, hein, d'animaux, mais la plupart, on ne s'en rend pas compte. Ben, lui, j'aurais... C'est vrai que si j'avais eu l'idée de mettre les phares, que j'avais pas mis parce que c'était pas nécessaire, j'aurais vu plus loin et j'aurais pu freiner. Là, j'ai même pas... Je pense que j'ai même pas un peu freiné tellement j'ai été surpris au dernier moment de voir ce truc énorme, que je me demandais ce que c'était. Et qui bougeait pas. Bon, après, je pense que les animaux bougent peut-être pas quand tu leur fonces dessus. Mais du coup, t'étais un peu choqué après, ou bon, bah, t'étais... voilà, c'est arrivé. Oui, j'étais un peu choqué, mais enfin, en même temps, j'étais pas non plus traumatisé. Hein, faut pas se... Oui. On arrête pas de nous dire qu'il faut tuer les ragondins. Si on le fait pas, on trouve ça... C'est pas non plus... Nous, on est arrivés là-bas. Le premier truc qu'on a appris, c'est qu'il fallait tuer les ragondins. C'est vrai, dans ce village. Claire, dis-moi, la captation sur le terrain, est-ce que ça a pour toi une dimension politique que de faire de la captation sur le terrain? Dans la mesure, bon, quand on parle du documentaire sonore, ça évoque pour moi toujours l'idée du documentaire photographique, au sens où on l'a utilisé parfois de par sa dimension à la fois politique, sociale. Et pour toi, est-ce que... Il y a quelque chose en arrière-plan de cette nature dans la construction de tes projets, ou si tu essaies de le faire le plus librement possible? Tout à l'heure, je disais que je ne voulais pas sensibiliser... Enfin, en tout cas, ce qui me guide, ce n'est pas une volonté de sensibilisation ou de défendre une théorie ou un... Parce que déjà, ça me paraîtrait trop... compliqué à tenir. En revanche, à force de dire ça, on se cache un peu derrière son petit doigt aussi, des fois. Donc, J'essaie de tenir quand même une espèce de ligne, moi, de qu'est-ce que je veux dire. Et après, on est brinque-ballé quand on crée. C'est très éprouvant de se dire, ah oui, pour Mayotte, par exemple, pour l'île et ses enfants volcans, ça a été très dur pour moi de fabriquer. Parce que ça partait d'un sentiment très intime, comme autobiographique. En tout cas, le point de départ, c'était celui d'avoir un élan vers un endroit que moi j'associe à mon enfance, mais justement la question c'était comment on peut être autant attaché dans ma mythologie personnelle à un endroit qui finalement, à part d'y avoir vécu quelques années, j'ai pas d'autres liens, ma famille ne vient pas de là-bas, j'ai pas la culture des gens qui habitent là-bas, donc ça ouvre forcément à des questionnements politiques. Ça c'était vraiment très politique de s'intéresser à Mayotte en tant que Française, en tant que blanche, et ça a été vertigineux, mais oui, je pense qu'il y a, dans tout projet, il y a une dimension politique, c'est sûr. C'est vraiment à ce moment-là que ça se joue, c'est juste avant de partir, quand tu viens fermer le panneau. Quoi. Psychologiquement, il y a un truc qui se passe quand même, où tu sais si ça va le faire ou pas. Quoi. Normalement, il n'y a pas de gens claustro, donc ça pose pas de problème. J'ai connu des gens qui l'étaient et qui s'en rendaient compte au dernier moment. Parce qu'en fin de compte, tant que les panneaux sont ouverts, les gars, ça leur faisait rien. Et au moment où on ferme le panneau, il y a cet esprit un petit peu d'enfermement. C'est comme un panneau qui est assez lourd, on vient le verrouiller, enfin voilà, c'est censé être étanche. Et du coup, à ce moment-là, le gars se rendait compte que c'était pas pour lui, qu'il ne savait pas le faire, il voulait absolument sortir. Enfin, mais bon, on s'en rend compte tout de suite. Quand tu descends en immersion, c'est peut-être ça qui fait le plus peur la première fois, c'est que la coque se contracte, elle se déforme et ça claque, fait clac, clac, clac. Donc ça fait vraiment trembler le bateau, ça bouge, on peut pas être indifférent à ça, quoi. Ça se fait pas en douceur. Et du coup, c'est ça qui vient te rappeler que t'es quand même dans un sous-marin. Parce que par contre, après, on va dire dans un transit tranquille, à vitesse stable, à immersion fixe, il n'y a absolument rien qui te fait savoir que t'es en mer. L'intérieur, c'est un tube qui est pas forcément très large. Plus tu descends vers le bas du sous-marin, soit ligne de flottaison, plus t'es dans les locaux techniques. Plus tu montes au-dessus de la ligne de flottaison, et plus tu es dans les locaux à but opérationnel. L'arrière, c'est tout ce qui est propulsion, machine, et l'avant, c'est les locaux vie, les chambres. On est neuf dans la mienne. On a une petite douche à l'entrée, c'est une des deux douches du bord. Et après, on est par étage de trois, les uns au-dessus des autres. Je peux vaguement relever la tête. Claire, tu complètes là cette résidence chez Avatar. Tu es au Québec depuis 2 semaines. Ça se termine rapide. Ça se termine très bientôt avec sortie de résidence là, demain, tout ça. Quels sont tes projets à venir, à compter de maintenant? Comment ça se présente sur ta table de travail? Bien déjà, le travail pour lequel je suis à Avatar ne sera pas terminé demain, malheureusement. Mais en tout cas... Ces 2 semaines, c'est sûr, ont débloqué des choses et vont me permettre de vraiment me donner des bonnes conditions pour pouvoir finir enfin ce travail que j'ai entamé il y a 6 ans maintenant. Donc, il me reste à finir ce documentaire. Et puis, l'autre projet important pour moi en ce moment, c'est un travail que je mène avec un parc naturel marin en France, où j'ai déjà réalisé une série de petites capsules. Et là, l'idée, c'est de réaliser une installation sonore et spatialisée avec les sons que j'ai déjà enregistrés au sein de ce parc naturel marin. Donc, encore une histoire de lieu. Voilà, et après, j'ai plein d'autres choses. J'enseigne aussi un petit peu dans une école de cinéma à Nantes. Et des ateliers. Beaucoup de boulot là, à venir. Et puis, Claire VIC, grand merci de m'avoir accordé cet entretien, cette rencontre aujourd'hui. C'était très agréable. Et puis, je te souhaite bonne chance dans les projets qui s'en viennent. Là, ils sont nombreux. Merci. Merci beaucoup. On goûte encore plus vin. Oui. Ah, elle était fine. Mais bon, on va bien voir au moins à quoi il ressemble, quoi. Ouais. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore Claire VIC. Grand merci à Claire de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur les plateformes numériques et sur son site clairevic.com. J'en profite pour remercier chaleureusement Myriam Lambert, la directrice générale d'Avatar jusqu'à tout récemment, d'avoir initié cette rencontre. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. C'est un sacré ton. Hein. Il est peut-être trop gros pour nous. Ah hein. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Allez, mais non, mais... La tête, oh, non! Là, non! Bien. Un coup par en dessous, et tu lèves. On va pas le prendre. Comment ça? On va pas le prendre? Bof. Et puis on va essayer d'enlever l'hameçon dans sa gueule. Ouais. Donc attends, parce que je peux... si je tiens la canne, je peux pas t'aider là. Tu veux que... Bah non, mais j'ai peur de te la lâcher, je voudrais pas. Il faudrait que... Tiens, essaye de me filer la gaffe. Attends, je vais me mettre ici. Ok, allez. Là, est-ce que tu peux enlever l'hameçon là? C'est bon, voilà. Donc là maintenant, c'est toi qui le tiens. Donc tu plonges la gaffe et tu sais, un coup sec pour qu'elle sorte. On va le laisser repartir, ça va, hein, de toute façon. Oh, putain, sans perdre la gaffe. Faut une photo quand même, hein. J'ai pris une photo. Un souvenir. Je te l'enverrai. Sans perdre la gaffe. Il va encore vivre. Si, là, si. Tu la retournes, tu vois, si tu peux. Oh merde. Non, elle, c'est parce qu'elle est télescopique. Ah bon? Okay. Tu veux le faire peut-être? Il est trop gros pour le... Bon, trop gros, ça sert à rien. Et en plus, c'est un ton blanc. C'est pas aussi bien que ton rouge, quoi. Ouais, je sais pas si... On va le relever. On va le mettre ici. Il va bien faire 20 kg, 25 kg, je pense. Ouais. Oh ouais, je pense. Facile. Ah, il est bien planté là. Hein. Ouais. On ne peut pas perdre la guerre. Oh. Il va servir de l'enquête pour nous. Ah là, il est mort. Hein. Ben voilà. Bon, on a pêché un gros poisson. Hein. Ça, c'était du sport. Allez, on va se remettre le génois. On va mettre le clap. On va le ranger. Là, voilà. Tu peux peut-être se régénérer, s'il te plaît.